franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Ma Marga, laisse-moi t'emmener du côté de Grenoble. Grenoble qui, au milieu du XVe siècle, accueilla le dauphin, qui, je le rappelle, n'est pas un poisson. Ah bah oui, ça je sais, c'est un mammifère marin. Ouais, non mais là, en l'occurrence, je parlais du petit-fils de Louis XV, futur Louis XVI. Voilà, comme quoi le dauphin est vraiment un mammifère. Voilà. Grenoble qui, en 1930, grâce aux congés payés, voit se développer le tourisme d'hiver et se déverser des hordes de bobs et de glacières sur ses versants enneigés. Mmh. Alors, Laurent, congés payés ou pause déjeuner? Bonjour docteur, bonjour Margaret. Non, là je suis en pause déjeuner. Bon, eh bien tant mieux, ça veut dire que vous avez un travail. Contrairement à beaucoup de nos auditeurs qui, eux, n'ont rien d'autre à faire qu'écouter la radio toute la journée. Et nous en profitons pour les remercier de choisir notre station. Et je vous rappelle que, à votre écoute... Coûte que coûte. Est l'émission la plus balado-diffusée de France. Voilà, attention toutefois à ne pas attraper le melon, comme disent nos ados. Mais c'est qu'il n'est pas toujours facile de garder la tête froide à la lecture du concert de louanges que votre désœuvrement vous offre la possibilité de nous laisser sur le site de l'émission. Et oui, oui, nous aimerions pouvoir vous remercier tous nommément, mais vos messages sont souvent malheureusement anonymes. Et vous posez votre dépêche en silence, comme un ami trop pudique. Alors, Laurent, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien voilà, suite à un divorce et à une perte d'emploi, j'ai été obligé de quitter mon appartement parce que j'arrivais plus à payer les traites et que la banque m'a saisi. Enfin, mais non, c'est pas gay, hein ? Bah oui, mais c'est comme ça. Et depuis 3 mois, je vis dans ma voiture. Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose que j'ai réussi à conserver. D'accord. Ah oui, du coup, vous vivez dans 3 mètres carrés, quoi. Mmh. Alors, meublé, certes, mais bon, c'est pas trop exigu. Enfin, c'est surtout invivable. Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'isoler et puis de garder le moral. Et puis bah, là, au moins, vous pouvez recevoir 3 amis le soir à dîner. Ah, je me souviens d'un certain Jean-Louis. Tu te souviens, cet auditeur africain? Ah oui, oui, oui, celui qui avait un enfant albinos. Voilà. Oui. Et il était comme vous, hein, Laurent, sans le sou, mais il vivait avec toute sa famille à l'hôtel. Vous vous rendez compte? Il avait dû trouver une combine. Ça serait peut-être intéressant qu'on vous mette en relation. Mm-hmm. Oui, non, mais un marchand de sommeil, c'est pas une solution. Hein. Mm. Un marchand de... Non, mais ce qui m'embête, là, c'est que plusieurs fois, on a mis ma voiture à la fourrière pendant que je partais travailler. Ah oui, c'est vrai, vous avez un travail. Ah oui, et bien alors vous pouvez payer un loyer. Oui, non, j'ai les moyens de payer un loyer, mais le problème, c'est que je fais que des CDD grâce à une boîte d'intérim, et aucun propriétaire ne veut me signer un bail. Et là, moi, j'y arrive plus. Je dors mal, je travaille mal, ils vont finir par plus me donner de mission, et je risque en plus d'avoir un accident, parce que je suis chauffeur routier. Et pourquoi est-ce que vous ne songez pas à la colocation? Il suffirait de vous réunir avec 2 ou 3 autres SDF, puis ça rassurerait les propriétaires. Oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on a loué un petit appartement qu'on a rue de l'université à 3 jeunes qui se sont mis en colocation. Et on est bien contents parce que du coup, on a tous les parents qui sont portés caution. Oui, non, mais je pense pas que ce soit comparable, là. Ah non! C'est l'appartement de la rue de Vaugirard qu'on a loué aux étudiants. Voilà, oui. Hein? La rue de l'université, c'est à la Petite Vieille. La Petite Vieille. Mais oui, c'est celui qu'on a acheté occupé avec la Petite Vieille, tu sais, en loi de 48. Ah, enfin, oui. Bonjour l'investissement. Hein, non, non, mais t'inquiète pas, ça va payer. Patience. Ouais. Alors, Laurent, dites-moi si je me trompe, et là, c'est la psychothérapeute hein, qui parle. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une peur, un refus de l'engagement sur du long terme? Mais j'ai pas du tout de peur ou de refus du long terme, j'ai rien d'autre pour le moment, c'est tout. Ouais. Mais le fait que vous ayez cette manie, hein, si je puis dire, de ne vouloir enchaîner que des CDD, c'est pas un petit peu... Pourquoi vous ne vous orientez pas directement sur un CDI? Hein? Est-ce que ce n'est pas le mot indéterminé qui vous angoisse, qui vous renvoie à l'infini, à la mort. On vous entend, Florent, on vous entend mal là. Il faudrait. Vous pouvez rappeler depuis votre poste fixe. Mais je suis SDF. Oui. Non mais donc, je n'ai pas de domicile fixe, je n'ai pas de poste fixe, je vous ai dit, je vis dans ma voiture. D'accord. Alors, restez près de la fenêtre, hein, s'il vous plaît. Mais moi, j'aimerais bien en trouver un CDI, mais vous savez, c'est la crise. Ah oui, on sait, ça fait 3 ans qu'on en entend parler. Non mais donc, en plus, je ne suis pas très qualifié, je n'ai pas fait d'études, moi. Ah, vous en voulez à vos parents de ne pas vous avoir dit assez qu'il fallait faire des études, sinon on devenait éboueur? Non, j'en fais pas à mes parents. C'est juste que j'ai été obligé de travailler à 17 ans sur les marchés pour les aider. Et je suis pas tout seul dans ce cas-là. Il y a plein de jeunes qui peuvent pas se permettre de continuer à faire des études. Excusez-moi, mais là, vous êtes complètement à côté des réalités. Oh, vous savez, monsieur, la réalité, on la prend en pleine figure tous les jours à 12h20. Ouais, alors, une idée me vient, Laurent. Vous savez, je suis assez calé dans tout ce qui est investissement foncier. Alors, vous nous dites que vous êtes chauffeur routier, donc vous avez souvent un camion sous la main. Oui. Alors pourquoi ne pas loger dans la cabine, souvent cosy d'ailleurs, de votre camion et louer votre voiture à un autre clochard? Non ? Vous n'êtes pas en train de me dire ce que vous êtes en train de me dire. Je comprends pas cette phrase. Non mais dites-moi que je rêve. Et non, monsieur, vous ne rêvez pas. C'est une solution bien réelle que nous venons d'apporter à votre problème. Mais c'est vrai que lorsqu'on a si longtemps tendu la main, eh bien, quand une main se tend vers vous, on croit que c'est un rêve, alors que non. C'est tout simplement Philippe et Margaret de Beaulieu. Ah, zut, Laurent a dû s'éloigner de la fenêtre, on l'entend plus du tout là. Ah oui, ou bien il a changé de pièce. Mais Laurent, si vous nous entendez encore dans votre autoradio, n'oubliez pas cette phrase de Douglas Jerrold. Le bonheur est dans votre foyer, ne le cherchez pas dans le jardin des étrangers. Oh là non, surtout pas. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde. Et merci encore une fois à tous nos auditeurs pour leurs commentaires bienveillants et tous leurs petits mots d'affection. Oui, pas toujours petits d'ailleurs, car certains prennent le temps de nous poser une bonne grosse dépêche. Alors oui, c'est un peu plus long, mais qu'est-ce que ça fait comme bien. Oh oui. Au revoir Margaret. Au revoir Philippe. À votre écoute, coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Si 100% des Français ne peuvent pas être champions olympiques de canoë-kayak, c'est parce qu'un canoë, en appartement, ça prend beaucoup trop de place. En revanche, avec EDF, tout le monde peut devenir un vrai champion des économies d'énergie. Il suffit de se rendre en boutique pour rencontrer un conseiller EDF, apprendre à faire des économies et améliorer son confort. Rendez-vous dans votre boutique EDF, votre conseiller vous y attend. Trouvez l'adresse de la boutique la plus proche de chez vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Inter.